Bonjour à tous, c'est vendredi, nous sommes le 8 décembre, à la télé ce soir, Koh-Lanta sur TF1, avant-dernière émission. Il y aura juste après Pas de ça entre nous, le talk show présenté par Arthur. Sur France 2, téléfilm, Le poids des mensonges avec notamment Anne Suarez. Sur France 3, le gala Téléthon avec Zazie, la marraine. Et puis beaucoup d'invités, Alain Souchon, Jean-Louis Aubert, Gaëtan Roussel, Ronan Luce, Olivia Ruiz et toute l'équipe du Soldat Rose. Sur M6, la série NCIS. Sur C8, grande soirée spéciale Les Chevaliers du Fiel avec tout d'abord le spectacle à la carte, juste après Les Chevaliers du Fiel, Noël d'Enfer. Sur W9, enquête d'action. Sur TMC, star des années 80, retour sur un phénomène. Rendez-vous sur Gulli avec deux téléfilms, Blanche-Neige et Les Sept Nains, et juste après Le Chaboté. Sur Sister, Norbert, commis d'office. Enfin, sur numéro 23, vous retrouverez le téléfilm Le Journal d'Anne Frank. Très bonne soirée télé à toutes et à tous pour ce vendredi.